Aurélie attend. Le berger reparaît sur la porte de la cabane. Sont à quelqu'un. Aurélie, c'est fini. Il y a le curé. Et après? Le curé, l'homme de Dieu, c'est fini dans tous vos péchés. Le curé est là, qui va toucher l'île. Il est avec l'instituteur. Je viens vous jeter un sort. J'ai peur. De quoi? Aurélie, nous sommes dans le péché. Va-t'en, imbécile! Aurélie! Va-t'en! Madame Aurélie! Pendant que l'instituteur s'avance vers elle, nous passons de l'autre côté de l'île. Le berger entre dans l'eau et part soudain à la nage, droit vers le soleil couchant. Madame Aurélie! Aurélie! Remise égarée! Vous avez suivi le mauvais berger. Voici, Aurélie, ce que je suis venu vous dire.